Jérusalem, Jérusalem, Beytul Maqdis. Beyt al-Maqdis, la Sainte Maison, et la mosquée de Jérusalem, appelée aussi Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée distante. C'est de là qu'Allah le Très-Haut transporta le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, durant le voyage nocturne, connu en arabe sous le nom d'Al-Isra, à partir de la mosquée sacrée de la Mecque. Allah le Très-Haut dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir » Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur d'Al-Masjid al-Haram à Al-Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Premier verset de Sourate le Voyage Nocturne. Beyt al-Maqdis est l'une des trois mosquées vers lesquelles il est autorisé de voyager. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Vous ne devez pas entreprendre un voyage spécifique pour visiter un lieu en dehors de ces trois mosquées, la mosquée sacrée de la Mecque, ma mosquée de Médine et la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.